Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Petiot, le docteur maléfique, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Michel Sidoroff. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Marcel André Félix Petiot, plus connu sous le nom de Docteur Petiot et encore plus sous Docteur Satan, un médecin qui a défrayé la chronique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 11 mars 44, en pleine occupation, au 21 de la rue Le Sueur à Paris dans le 16e, les voisins appellent la police et les pompiers car une forte et immonde odeur s'échappe dans une épaisse fumée noire émanant de la cheminée de l'hôtel particulier. La police découvre alors, avec effroi, dans la cave, des corps dépecés, un tas immense de cheveux et des membres humains en train de brûler. L'endroit est aménagé avec une chambre à gaz, munie d'un judas pour regarder l'agonie des victimes, un puits de chaux-vives et un vestiaire où s'entassent des malles, valises et affaires personnelles. La police découvrira les restes de 27 personnes et l'enquête démontrera que la majorité des victimes étaient des juifs voulant fuir l'occupation et les nazis. L'enquête est menée par le commissaire Massu, qui, selon la légende d'ailleurs, a inspiré le personnage du commissaire Maigret à Georges Simenon. Mais revenons à notre histoire. Le diabolique docteur Petiot est jugé en mars 46, mars et avril, au cours d'un procès aussi médiatisé que celui de Landru au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le 4 avril, Petiot est reconnu coupable des 27 meurtres et condamné à mort. Le 25 mai de la même année, à 5h05, juste avant d'être guillotiné, il déclare « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages, ça va pas être beau à voir ». Voilà, pour essayer de comprendre qui était Petiot, un fou, un monstre, un résistant, un collabo, car tout et son contraire a été dit, eh bien, après la fiction, nous revisiterons cette histoire terrible et mènerons l'enquête avec notre invité Claude Quettel, historien, auteur du livre intitulé « L'effrayant docteur Petiot », édité chez Perrin, en 2014. Petiot, le docteur maléfique, de Philippe Touzet. Une réalisation de Michel Sidoroff. Mars 1944, 36 quai des Orfèvres, brigade criminelle, 2h53. Rapport écrit par Maurice Borona, inspecteur. Je me demande si les collègues savent comment je m'appelle. Pour eux, je suis le petit, le genou, le mousse. Enfin, ça, c'est pour ceux qui m'adressent la parole. Pour les autres, je n'existe pas. Je suis juste bon à ouvrir les portes et servir le café. De la chicorée dans beaucoup d'eau. Le patron, le commissaire Massu, est parti vers 2h du mat. Il m'a dit, il me faut le rapport sur mon bureau à 6h. Ça ne me dérange pas. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, j'étais pas sûr de dormir. Même fermer les yeux et me retrouver dans le noir, je crois que j'aurais pas aimé. Quand le pacha est parti, il est de suite revenu. Il fait ça souvent, comme s'il était parti trop vite et qu'il avait oublié 2-3 idées dans son bureau. Toujours en train de réfléchir, toujours avec un coup d'avance. Un sacré putain de flic. Il s'est planté devant mon bureau. Il a pris le temps d'allumer sa pipe. Dis-moi, Borona. Lui, il sait comment je m'appelle. T'habites encore chez tes vieux? J'ai une piole du côté de Saint-Germain. T'as une petite amie? Non. Oh, avec la gueule d'ange que t'as pas de fiancée? Pas pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? J'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, en 30 ans de maison, j'ai jamais vu ça. Toi, t'arrives et tu tombes sur l'affaire du siècle. Bon, alors dis-moi. Sérieusement, patron, vous voulez mon avis? Je t'écoute. Ça sent pas bon. Tu veux dire que cette affaire pue la merde? Mais pardon, je t'ai coupé. D'un côté, les Boches avec ceux de la Carlingue, Bonny, Lafont. Et de l'autre côté, la Résistance. Avec tous ces cadavres au milieu. Ah non. C'est nous qui sommes au milieu. Les flics, comme d'habitude. Ça commence par un feu de cheminée. De la fumée noire qui fait de l'ombre au soleil. Une puanteur épouvantable provient du 21 rue Le Sueur dans le 16e arrondissement de Paris. Les voisins téléphonent au commissariat du quartier qui envoie deux hirondelles. Nous sommes le 11 mars 1944, il est 19h. Sur place, la concierge du 23 informe le brigadier Tessier et l'agent Filion que le propriétaire de l'hôtel particulier est un certain docteur Petiot. Elle a l'adresse de son cabinet et même son numéro de téléphone. Moi, je pense qu'à l'entrée du 36, on devrait apposer une plaque à toutes les concierges de Paris, de France et de Navarre, des générations de flics reconnaissants. Pendant ce temps-là, les pompiers débarquent sur les lieux. Tessier téléphone et tombe sur Petiot qui lui dit « On ne touche à rien, j'arrive tout de suite ». Ce qu'on sait maintenant, c'est que le cabinet du docteur est situé rue Comartin, près de la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un minimum Paris, quasiment à l'opposé de la rue Le Sueur. Petiot, il se débrouille bien à vélo, mais c'est quand même pas Antonin Magne. Donc, il n'arrive pas tout de suite. Et ce qui paraît incroyable, c'est que les pompiers vont attendre l'arrivée du propriétaire. La fumée devient de plus en plus noire. La puanteur n'est plus épouvantable, elle est carrément insupportable. La foule des badauds grossit sans cesse au point de bloquer la rue. Et tout le monde attend l'arrivée du proprio qui n'arrive pas. Bon, au bout d'une demi-heure, le chef des pompiers estime que la plaisanterie a assez duré, on déplie la grande échelle, on passe par le balcon, on y va à grands coups de hache et on pénètre dans l'hôtel particulier par le premier étage. Un premier étage qui paraît inhabité, avec des meubles couverts de poussière entassés n'importe comment. Mais le côté descriptif de la situation échappe complètement aux soldats du feu. L'odeur est insurmontable. La plupart des gars vomissent, peuvent pas se retenir. Les plus proches de la fenêtre vont prendre l'air sur le balcon, ils sont blancs comme des linges. La foule, animal redoutable à l'instinct de mort viscérale, sent bien que c'est pas normal tout ça. Elle fait « Oh !» et quand un des pompiers trouve le moyen de dégueuler tripes et boyaux depuis le balcon, elle fait « Ah !» C'est le 14 juillet avec feu d'artifice. À l'intérieur, ceux qui ont l'estomac le mieux accroché entament la descente vers le rez-de-chaussée. Au passage, ils ouvrent les fenêtres, la porte d'entrée, de l'air s'il vous plaît. La fumée vient du sous-sol. C'est logique, c'est là où il y a les chaudières du chauffage central. Les types se regardent. Bon, ben, va falloir y aller. Mais personne ne bouge. Au final, il y a toujours un gars qui y va. C'est pas forcément le plus courageux, c'est celui qui veut passer à autre chose le plus vite possible. Au même moment, un homme d'une quarantaine d'années, à vélo, se pointe à l'horizon. Il se dirige sans aucune hésitation vers le brigadier Tessier et l'agent Filion. Putain, quel est l'abruti qui a fermé cette fenêtre? Bon, là, tu peux l'ouvrir, moi, j'y arrive pas. Oui, patron. Voilà, patron. Te fous pas de ma gueule, Brown. Mais pas du tout. Oh, si, si, je vois bien que t'as un petit sourire. Mais non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ma femme a raison. Tout dans la tête, rien dans les mains. Oh. Oh. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. C'est pas Gauthier qui est en train de traverser la cour? Oui, oui, c'est lui. Il a un nouveau chapeau. Où il va? Je sais pas. Gauthier! Gauthier! Oh, putain, mais il est comme les clébards, il n'entend que quand on le siffle. Oui, oui, je suis là, oui, c'est moi. Dis au gars de boucler toute la rue. Et quand le docteur Paul se ramène, je veux le savoir tout de suite. Mais toi ou un autre, je m'en fous. Je veux qu'on vienne m'avertir, c'est tout. Mais où il va? Je sais pas. Il va peut-être se taper une pute. Tout le monde le sait, Massu a servi de modèle à Simenon pour le commissaire Maigret. Le chapeau, la pipe, le par-dessus, l'aspect massif et le côté bourru. Mais là où Simenon a bien fait, c'est au niveau du langage. Maigret qui parle comme un charretier à longueur de journée... Ça n'aurait pas marché. Ils sont où, les deux cons? Dans la pièce à côté. Amène-les-moi. Je voulais vous montrer quelque chose. Après. Le commissaire veut vous voir. T'es tout seul? Le Filion est malade. Comment ça, il est malade? Il a vomi plusieurs fois, et maintenant, il a la chiasse. On l'écoutera plus tard. Un bon honneur. Oui, patron. De toute façon, c'est toi le gradé. T'es bien content de toucher un salaire de brigadier, donc, Quand il y a une couille dans le potage et que t'es accompagné d'un agent, c'est qui le responsable? C'est moi. J'en ai vu des conneries de flics dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux, on n'est pas des machines. J'en ai vu des magnifiques. Tu les écris dans un livre, personne ne te croit. Je t'écoute. À partir de l'arrivée du cycliste. On est venu nous dire qu'un homme à vélo venait d'arriver et que c'était le frère du propriétaire. C'est toi qui téléphones au docteur Petiot qui te dit qu'il va arriver le plus vite possible à vélo. Un type ramène son cul à vélo, il te dit qu'il est le frère du proprio et t'es pas surpris? Non. Ah, t'es chié. Serre-moi la main. Serre-moi la main. Je suis le général de Gaulle. Commissaire. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est aussi con que ça? Le mec qui te dit « je suis le frère » et tu vérifies même pas. Tu lui demandes pas ses papiers. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré. Il est chez lui? Non, je suis son frère. Tu vois, Tessier, moi j'ai un frère. Ça peut paraître incroyable, mais chez lui, et chez moi, c'est chez moi. Donc tu l'as laissé passer? Il est allé directement au sous-sol. Quoi? Tessier, tu vois Borona, il est avec nous depuis 15 jours. Il est en train de se demander s'il n'a pas fait une connerie. Il aurait dû suivre les conseils de son père, plombier zingueur, ça, c'est un métier. Malgré l'odeur, il est descendu au sous-sol sans hésiter. Ça se voyait qu'il connaissait bien les lieux. C'est le seul qui n'était pas malade. Il enjambait les corps comme si c'était des flaques d'eau. Et à un moment donné, ça m'a sidéré, il a ouvert la chaudière, il y avait un bras dedans, et ben il a retourné le bras comme si c'était une bûche. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir bien salopé la scène de crime? Il est remonté. Il m'a demandé s'il pouvait récupérer un dossier chez son frère. J'ai dit pas de problème, je vais vous accompagner. Il m'a répondu c'est pas la peine, je connais le chemin. Et il a trouvé le moyen de rigoler. Après, je ne l'ai pas revu. T'as quand même une vague petite idée de qui était ce type? Oui, maintenant. C'était le docteur Petiot. Tu l'as laissé entrer, se promener et repartir. Il ne m'a pas dit qu'il était le docteur Petiot. Tessier, si tu me dis pas la vérité, tu vas déguster sévèrement. T'es peut-être pas un gars très intelligent, mais t'es un flic expérimenté. Et comme dans beaucoup de métiers, l'expérience peut pallier à un manque d'intelligence. Je peux pas croire que tu l'aies laissé partir comme ça. Dis-moi la vérité avant que j'écrive mon rapport. Après, ce sera trop tard. Borona, t'as du feu, j'ai plus d'allumettes. J'ai mon briquet. Mais qu'est-ce qui t'a appris, ton père? Allumer une pipe avec un briquet à essence. Tu veux foutre en l'air ma pipe? Tenez, commissaire. Merci, brigadier. Je suis sûr que t'as quelque chose à me dire. Quand on est remonté du sous-sol, il nous a pris à part, Fillon et moi. Il nous a dit « Vous êtes des Français, des bons Français ». Alors nous, on a répondu « Oui ». Parce que les cadavres en bas, ce sont des poches et des collabos. Mon frère et moi, on fait partie d'un réseau de résistance. Faut que je récupère un document et après, laissez-moi partir. Faut que j'informe les camarades. Il a dit les camarades? Ou les copains, les amis, je sais plus. Là, tu peux sortir. Bon, là, tu voulais me montrer quelque chose? C'est juste à côté. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pièce triangulaire. Et merci, je sais encore faire la différence entre les ronds et les carrés. Alors ça, c'est pas courant. Il n'y a pas de fenêtre. Elle donne sur quoi, cette porte? Oh, nom de Dieu! Un mur! C'est une fausse porte. Oh, qu'est-ce qu'on se marre! Et là... Là, t'as vu, Borona? Un œilleton. Oui, patron. Derrière, il y a une pièce où, grâce à l'œilleton, on peut voir ce qui se passe ici. Bah, c'est le principe de l'œilleton. Ah, oh, et cette sonnette. Elle n'est reliée à rien. Les murs sont faits en double cloison, la porte d'entrée est capitonnée. Et ça veut dire quoi? Le docteur Petiot ne voulait pas que les voisins entendent ce qui se passait dans cette pièce. Qu'est-ce qui se passait dans cette pièce? Les gens hurlaient, ils avaient peur. Ils comprenaient pas pourquoi ils étaient enfermés. Continue, continue. Les gens hurlaient parce qu'ils étaient en train de mourir. Je me demande comment ils se démerdaient pour enfermer ces pauvres types. Il les a pas tués rapidement, non. Il les a tués tout en douceur, tranquillement. Il voulait que ça dure. Sinon, à quoi sert l'œilleton? Et toute cette mise en scène? Je veux pas dire de bêtises, patron, mais j'ai l'impression que cette pièce est étanche. Il s'est fait construire une chambre à gaz? Ah, pourquoi pas? Bon, on va vérifier. Ou alors il faisait une piqûre. Qui dit docteur, dit piqûre. Je vois pas pourquoi il leur ferait une piqûre, mais enfin, c'est pas con. Développe. Il embobine le type. Hein? Suivez-moi dans cette pièce, je vais vous faire une piqûre. Et voilà, pliez le bras, je reviens. Hein? Il sort, ferme la porte à double tour, direction l'œilleton. Le spectacle peut commencer. Oh, le gars, assis comme un con sur une chaise, il commence à se sentir pas bien, il veut sortir. Merde, la porte est fermée. Il appuie sur la sonnette, mais ça marche pas. En tout cas, personne ne vient. Alors il se dirige vers l'autre porte, il ouvre un mur. Et là, il commence à comprendre. Il hurle, il tape contre les murs, il voit l'œilleton, il supplie, il pleure. Oh nom de Dieu, quelle angoisse! Et l'autre, derrière son judas, il prend son pied. Il jubile, il jouit. Maurice, on a affaire à un fou furieux. Marcel André Henri Félix Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre. Vous voulez un topo sur les parents? Non, je m'en fous, on verra ça plus tard. Il a un frère cadet qui s'appelle Maurice. Eh ben, il faut lui mettre la main dessus. Il a 12 ans quand sa mère meurt dans un asile psychiatrique. Mais je t'ai dit, il est vieux, on verra ça tout à l'heure. Oh, et puis viens, on va aller dans mon bureau, parce que là, c'est pas possible. Oh, oh, oh, oh, oh, les gars, là! Vous entendez le bordel que vous faites? J'arrive même pas à m'entendre penser. J'ai passé des années dans cette salle. Jamais j'ai entendu un boxon pareil. Ouais, mais c'est normal, c'est vous qui parliez le plus fort. Qui a dit ça? Allez, messieurs, au boulot. Ouais. Allez, bon, voilà. Comme dirait Petiot, rien ne vaut une porte capitonnée. Assieds-toi. T'as une mine de déterré, Borona. Je dors pas beaucoup. C'est le métier qui rentre. Et puis t'es célibataire, personne ne t'attend à la maison. Allez, vas-y. À 17 ans, il est arrêté pour avoir fracturé des boîtes aux lettres. Mais il n'est pas condamné. Un psychiatre l'a déclaré inapte à être jugé. Il a estimé que le jeune homme avait une personnalité anormale et inadaptée socialement. Ça commence bien. Pendant la première guerre, il devance l'appel. Il est blessé au pied par un éclat de grenade le 20 mars 1917. Mmh. À l'hôpital, il est accusé de vol de couverture. Il est transféré à la prison militaire d'Orléans. Et de là, très vite, il est dirigé vers le service psychiatrique de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet à des phobies. Charmant garçon. Malgré ça, il est renvoyé au front en 18. Oh, bah tu parles, à l'époque, il raclait les fonds de tiroir. Il est de nouveau blessé, réformé pour troubles psychiatriques. Pendant plusieurs années, il est suivi par une commission qui, finalement, en 1923, conclut à une psychose mélancolique. Une obsession de la persécution et une démence précoce. Ça ne l'empêchera pas d'obtenir son diplôme de médecine de la faculté de Paris en 1921, avec la mention « Très bien ». Le type, c'est un gros malade, il devient médecin. Comment il a pu passer entre les mailles du filet? Et c'est pas tout, patron. Il devient maire de Villeneuve-sur-Yonne, département de l'Yonne, petite ville où il a installé son cabinet de médecin. Attends, Petiot a été maire? De 26 à 31, il a été révoqué suite à des affaires de fraude à l'assurance maladie. des détournements de fonds. Il s'en sortira à chaque fois avec des non-lieux. Malgré sa révocation, il est élu conseiller général du canton. Le manque de discernement des Français au moment des élections devrait faire l'objet d'une thèse. Il est privé de son mandat en 34, car il a été prouvé qu'il trafiquait son compteur électrique. Mais il est fou et il est con, cet homme est doublement dangereux. Je pense qu'il a un gros problème avec l'argent. Oh bah, à part les millionnaires, tu connais quelqu'un qui n'a pas de problème avec le pognon ? La plupart des gens règlent ce problème en travaillant. Oui, c'est vrai. Il est docteur et maire d'une petite ville à seulement 29 ans. Et il va compromettre gravement son avenir pour des petites combines, des bidouillages. C'est plus fort que lui. C'est pathologique. Comme tu dis. Discrédité localement, il part s'installer à Paris. Il se rapproche de nous. Il laisse derrière lui plusieurs affaires inexpliquées qui suscitent encore maintenant beaucoup de rumeurs. Quoi comme affaire ? La disparition de sa bonne. Pardon ? Elle a disparu du jour au lendemain. On l'a jamais retrouvée. Il n'a pas été emmerdé ? Non. Et il y a aussi une autre histoire. L'incendie d'une laiterie dans lequel serait morte la propriétaire, une certaine Madame de Beauve. Petiot aurait été en affaire avec elle. Des témoins ont assuré l'avoir vu rôder dans les environs de la laiterie juste avant l'incendie. Et il s'en est sorti ? Sans aucune égratignure. Ce type a une baraka de cocu. Ou alors, c'est les poulets du coin qui sont pas très futés. Oui, ça, c'est fort possible. Quand j'aurai plus besoin de toi ici, dans deux ou trois jours, t'iras faire un tour à machin truc sur Yonne, là. Je veux que tu creuses ces deux affaires. Oui, patron. T'as fini ? Presque. Dépêche-toi, faut que j'aille voir le docteur Paul à la morgue. Dis donc, Borona, t'es déjà allé là-bas ? Non. Alors tu vas venir avec moi. Ça te fait plaisir ? Je suis fou de joie. Oh, mais putain, c'est pas vrai ! Pour une fois que je rigole dans ce bureau, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour l'affaire Petiot. Le directeur veut vous voir. Il n'est pas tout seul. Blond aux yeux bleus ? Affirmatif. J'arrive. Borona, commande une voiture et attends-moi dans la cour. Tu me liras la suite de ton rapport pendant le trajet. En 36, Petiot est arrêté pour vol à l'étalage à la librairie Joseph Gibert. Durant son interpellation, il perd complètement les pédales. Pour une histoire qui aurait pu s'arranger en deux coups de cuillère à peau, il se retrouve entre les quatre murs de la maison de santé d'Ivry. Le diagnostic est sans appel. Aliénation mentale, individu délirant et irresponsable. J'ai lu ça quelque part, oui. Il y a aussi un psychiatre qui a déclaré que Petiot était un individu sans scrupules et dépourvu de tout sens moral. Parfois, la folie à bandeau. Nous avons peut-être affaire à un vrai putain d'enfoiré de salopard. Après 7 mois d'internement, il reprend comme si de rien n'était ses consultations au 66 rue Comartin. Incroyable. Après, rien de notable à signaler. Vous avez la liste des vêtements et des objets qu'on a trouvés rue de Sueur ? Oui. L'inspecteur Le Petit me l'a donné tout à l'heure. Voilà. Alors, nous avons répertorié 72 valises et 655 kilos d'objets divers, dont 1760 pièces d'habillement, parmi lesquelles 21 manteaux de laine, 90 robes, 120 jupes, 26 sacs à main, 28 complets d'hommes, 33 cravates, 57 paires de chaussettes, 43 paires de chaussures. Tiens, prends mon mouchoir et essuie-toi la bouche. Ah, merci. Allez, viens, viens. Docteur Paul nous attend. Je suis désolé. Oh, on y est tous passés. Moi, le premier. Tiens, tu parlais de Le Petit tout à l'heure dans la bagnole. Alors lui, c'est le champion de toute catégorie. Il était malade comme un rat mort, il s'est évanoui, cassé la gueule, il s'est pété l'arcade sur la cuvette des chiottes. Et l'autre jour, je le vois penché sur le cadavre d'une vieille mamie en train de manger un sandwich au camembert. Patron, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui, pardon, pardon. Bon, bah écoute, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. On y va ? On y va. Allez, respire un bon coup. Ah, quand même, j'ai failli attendre. T'as des choses à me dire ? Évidemment, comme d'habitude. Si j'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais? J'irais pleurer dans un coin. Je me sens pas bien. Bon, bah, assieds-toi, assieds-toi. Ça te rappelle rien? Landru? Oui. Un Landru qui serait passé à un stade industriel. Vous avez travaillé sur Landru? Eh oui, inspecteur, j'ai travaillé sur Landru. Et lui aussi. Et comme on est des perdreaux de l'année, on a aussi travaillé sur Bonneau, Violette Nocière... Oui, bon, Charles, on n'est pas là pour feuilleter l'album de famille. On va peut-être avancer un petit peu, non? Eh, ce que j'ai fait avec mon équipe, ce n'est plus de la médecine légale, c'est du puzzle. Et je ne rigole pas. Nous avons reconstitué 27 cadavres. Nous ne pouvons pas chiffrer avec exactitude le nombre de victimes, car beaucoup d'ossements... Dedans demeure sans propriétaire, si je peux dire ça comme ça. Homme, femme, tout est dans le dossier. Je me doute bien, mon ami, que tu es dans une mer de noir. La rue Le Sueur est en plein quartier allemand, avec le siège de la Gestapo juste à côté, avenue Foch. Cet hôtel particulier, inhabité, presque abandonné, est idéal pour se débarrasser des résistants qui n'ont pas résisté à la torture. Les gars de la carlingue de la rue Lauriston, qui est juste à côté, se sont peut-être fait la même réflexion. Et puis, il faut pas oublier Petiot tout de même. Petiot qui a dit aux deux gardiens de la paix qu'il était membre ou chef d'un réseau de résistance. Est-ce que ce seraient les résistants qui auraient découpé, brûlé des dizaines de collabos d'Allemands? Difficile à croire, mais pas impossible. D'un côté, les Allemands, la rue Lauriston, et juste en face, les résistants. Ménager le présent et ne pas insulter l'avenir. Ouais, c'est un peu ça. Je crois que je vais arranger ton affaire. Le type qui a découpé ces cadavres n'est pas un boucher. C'est pas un type à qui on a donné une scie, allez, vas-y, démerde-toi. C'est un spécialiste, un homme de l'art. Approche-toi de la table. Regarde là, au creux de la cuisse, tu vois ce petit trou? Oui, oui. Brona, viens voir. On retrouve ce petit trou sur tous les cadavres. Ici, on le voit bien parce qu'il reste un peu de peau. Mais autrement, sur ceux qui ont bien brûlé, on voit quand même une petite marque sur l'os. Et ça, mon ami, c'est une signature. Une signature de quoi? Je vais vous expliquer, messieurs. Quand je pratique une autopsie, j'ai toujours mon bistouri à la main. Mais parfois, j'ai besoin d'un autre instrument, j'ai besoin de mes deux mains. Alors, qu'est-ce que je fais de mon bistouri? Vous le posez sur la table? Non. Pour aller vite, c'est devenu un réflexe, je le plante dans le creux de la cuisse. Quoi? C'est un geste de professionnel. Le type qui a fait ça est docteur, sans aucun doute. Georges, mon ami, cette observation te permet d'écarter les Allemands, les collabos et les résistants, et de privilégier la piste de l'homme seul, si tu vois ce que je veux dire. Ici Land. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Le 25 mai 1946, Marcel Petiot a été guillotiné ce matin. Affaire classée. Un dossier d'une extrême complexité que tout le monde s'est empressé de simplifier au maximum. À commencer par nous, les flics. Faut dire que les temps étaient troublés. Pendant l'enquête, au moment de la libération de Paris, des collègues sont venus arrêter le commissaire Massu, dans son propre bureau, soupçonné d'être un collabo. C'est le commissaire Soutif qui le remplacera. C'est avec lui qu'on va tendre un piège gros comme une maison à Petiot. Le 19 septembre 44, on va faire paraître un article dans le journal Résistance. Un article bidon qui s'en prend violemment à lui, qui affirme que ce pauvre type est un collabo, qu'il travaillait pour la Gestapo et ainsi de suite. Un article vitriol dont l'unique but était de faire sortir le loup du bois. Et ça a marché. Le jour même, il a demandé un droit de réponse au journal. Sa lettre était une mine de renseignements. Il disait qu'il était un grand résistant, qu'actuellement il occupait des fonctions importantes. Nous avions choisi le journal Résistance car il ne paraissait que sur Paris et région parisienne. Cela nous permettait de délimiter un territoire de recherche. Nous avons envoyé une copie de sa lettre à tous les responsables des casernes FFI et bingo, nous l'avons repéré à la caserne de Reuilly. Il se faisait appeler Capitaine Valéry et il était commissaire instructeur chargé de l'épuration. C'est pas beau ça? Il était devenu quasiment un collègue. Pour ajouter à la confusion, Massu a été blanchi et c'est le commissaire Soutif qui a été arrêté pour collaboration. Pendant le procès, Maître Florio, l'avocat de Petiot, a été brillant. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire devant cette montagne de valises qui allait du sol au plafond? Les effets personnels de toutes ces personnes, la plupart des juifs qui voulaient fuir l'oppression nazie et qui ont fait confiance au bon docteur Petiot. Désirant privilégier à tout prix la piste de l'homme seul, des personnes mouillées jusqu'au cou dans l'affaire, la femme de Petiot, son frère et un couple d'amis ont été relaxés, acquittés. Aux dernières nouvelles, on n'a jamais retrouvé l'argent, sinistre butin de tous ces meurtres. C'était Petiot, le docteur maléfique, de Philippe Touzet, avec François Sienner, Stanislas Perrin, Igor Desavitch, Daniel Kredenstein et Philippe Touzet. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage Bruno Mourlan, Sébastien Royer. Assistant à la réalisation Louise Loubrieux et Léo Durin. Réalisation Michel Sidoroff. Un air lancinant qui brusquement vient glacer votre sang et vous étendrait d'effroi sur le sol d'un coup de dièse ou de bémol. Car ce tango a une drôle de cadence qui vous étrangle et qui vous asphyxie. On ne peut la voir que contre une ordonnance. C'est pourquoi on ne le vend qu'en pharmacie. Dans les cabarets, quand le patron veut fermer ses volets, il fait jouer par l'orchestre argentin les tangos de l'assassin. Les revolvers, les couteaux de cuisine, ça laisse des traces et ça fait démodé. Tandis qu'un air qu'on susurre en sourdine, même un poulet ne peut s'en méfier. Pour avoir le flic du vieux cousin ou tonton d'Amérique, fredonnez-lui un bonsoir sans témoin, le tango de l'assassin. Ça n'est peut-être pas très bien d'user de tels moyens, mais on n'a jamais rien sans rien. Affaires sensibles, la fiction. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le Smeur jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Un feu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macabre découverte. On sait ce qu'on trouva dans l'hôtel. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie. Un peu plus, il ferait les honneurs de la fosse où la chaux-vive rongeait les cadavres, du Judas où il assistait à l'agonie de ses victimes, de la chaudière où il brûlait leurs restes. Petiot est un monstre. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Petiot, le docteur maléfique. Notre invité Claude Quettel, historien, auteur du livre intitulé « L'effrayant docteur Petiot », édité chez Perrin en 2014. Bonjour Claude Quettel. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen, auteur de nombreux ouvrages. Vous avez notamment publié Une histoire de la folie chez Texto en 2012 et donc L'effrayant docteur Petiot chez Perrin en 2014. D'ailleurs, c'est ce livre qui nous a aidé à bâtir cette édition. Vous venez de publier en coédition chez Talendier Perrin Croix ou meurt, histoire incorrecte de la Révolution française. Donc c'est autre chose, mais vous êtes historien. Alors, on peut lire en quatre de couverture de votre livre sur Petiot, on découvre que la question de la folie de Petiot ne cesse d'émailler sa vie, or elle est écartée d'office de son procès. De cette dichotomie, de ce paradoxe, hiatus, appelez ça comme vous voulez, nous reviendrons bien sûr, parce que c'est l'angle de votre livre. Mais d'abord, quelques questions avant. D'abord, pourquoi ce sujet du docteur Petiot, pour cet historien que vous êtes, après tout, c'est que du fait divers? Ah oui, mais enfin c'est du gros fait divers. Et puis ça dit beaucoup de choses, le fait divers d'une époque, je sais. Oui, et puis ça, oui, voilà. Mais pourquoi Petiot? Parce que quand je me suis toujours intéressé à son histoire, et puis ça me paraissait un cas d'école intéressant par rapport aux quelques beaux restes que j'avais encore de l'histoire de la folie. Et qui est fou, qui n'est pas fou? Qu'est-ce que c'est qu'être fou judiciaire? Qu'est-ce que c'est qu'être fou médical, etc. Eh bien, on va y revenir, évidemment. D'abord, l'enchaînement des faits. On découvre sa maison et ce qu'il y a dedans en mars 44, donc tout s'est passé avant, de camp à camp. Il sévit de camp à camp, précisément, ce docteur Petiot. Petiot, alors il sévit en tant que criminel, vous oui, voulez dire. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il sévit avant en tant qu'escroc, médecin marron vendant de la drogue. Quand est-ce qu'il passe au crime? Oui. Il passe au crime avec l'occupation, avec la guerre. C'est ça qui est intéressant. Il change de registre. Avec cette petite nuance que on ne l'a jamais pris la main dans le sac, la main dans le sang. Oui. Et ça laisse quand même un doute. Alors je vais dire à quoi? À 1%. Allez, on est sûr à 99% que c'est un affreux criminel. Alors, vous avez raison, on le compare souvent à Landru, parce que tous les deux, terribles criminels, serial killer, dirait-on aujourd'hui, donc tueurs en série, et on ajoute que leur carrière de meurtrier n'a été possible que parce qu'on était en période de guerre. Landru, c'était la première, Petiot la seconde. Oui. Je dirais d'abord que la guerre abolit, ou en tous les cas, descend le seuil du sens moral. Bien sûr. Potcher, votre grand ancêtre à la radiodiffusion française, comme on disait à l'époque, le dit très bien, puisqu'il a couvert l'affaire Petiot avec beaucoup de talent, et il dit que tout le monde triche à cette époque-là. Tout le monde, il y a des faux papiers, il y a des faux tickets, il y a du marché noir. Alors, de là à tuer. Mais en tous les cas, donc, déjà, abolition du sens moral. Et puis aussi, on est dans des périodes de deuil. La vie ne vaut plus grand-chose. En tous les cas, elle vaut moins qu'en temps de paix. Donc, et même d'un point de vue, je dirais, plus policier, vous disparaissez aujourd'hui. Bon, ça se remarque, enfin, j'espère, en tous les cas, pour vous et pour moi. Mais à l'époque, tout le monde disparaît. Il y en a qui disparaissent volontairement, d'autres pas volontairement. Mais donc, ces époques sont très propices à ce type de criminels. Alors, avant qu'il ne passe au crime, on va continuer à dérouler l'histoire dans l'autre sens. Qui est-il, ce docteur Petiot, déjà en tant que docteur et activité annexe, si j'ose dire? Écoutez, c'était ça un peu le sens de mon enquête. Un historien a le droit d'enquêter comme un journaliste et comme un policier. Bah évidemment. Mais pas forcément dans le même objectif. Ce type, pour moi, est fou depuis le début. Son enfance est quand même marquée par des épisodes psychiatriques. Il est considéré comme invalide mental par les médecins de la Grande Guerre, qui étaient tout ce qu'on veut, sauf laxiste. Il devient kleptomane, il est mythomane, il est arrêté pour un vol de livres chez Gibert en 1936, déclaré irresponsable, interné d'office. Donc, sa vie est un long, long, long épisode psychiatrique. Son enfance, parce que la psychiatrie est expliquée essentiellement par l'enfance. Alors, on ne sait pas grand-chose sur son enfance, sauf qu'elle a été tout de même émaillée par des épisodes troublants. Parce que le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de livres sur Petiot, mais souvent les auteurs, je ne dis pas les historiens, je dis les auteurs, remplissent les cases vides en faisant marcher leur machine à fantasmes. Et donc, on a parlé d'épisodes de chats ébouillantés. C'est trop facile, tout ça. Par contre, bon, il est pris dans une affaire où il pique avec je sais pas trop quel système, des lettres dans des boîtes à lettres, parce qu'à l'époque on mettait souvent beaucoup d'argent dans les lettres, ça se faisait, on envoyait de l'argent par lettre, des billets, et donc il pique, je sais pas moi, 30 ou 40 lettres, donc il a quoi, il a 14 ans, hein. Donc de temps en temps la police met la main sur lui, ça n'est pas seulement oui on a dit que. Donc on voit que dès qu'il est gamin ou jeune, il y a déjà un rapport conflictuel avec la loi. Oui. Alors, sinon, avec la loi, la police lui met très vite la main dessus. La justice sur un gamin de 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, c'est déjà difficile, mais à l'époque, c'est quasiment impossible. Donc, voilà ce type qui finit par se retrouver médecin. Il n'y a pas encore à l'époque le Conseil de l'Ordre. Donc, les épisodes psychiatriques aperçus pendant la Grande Guerre sont oubliés. Et voilà quelqu'un qui se retrouve médecin avec un très très lourd passé psychiatrique à Villeneuve-sur-Yonne. Il se retrouve maire aussi. Alors, maire, alors et ça va continuer. Ce maire va très aimer. Hein. Oh là là, moi je suis allé enquêter à Villeneuve-sur-Yonne. Oui, j'aime bien le terrain. Et donc, c'est formidable. Il n'y a pas un mauvais souvenir de Petiot. Souvent, encore même aujourd'hui, ou alors on ne veut plus en entendre parler, mais il se fait prendre avec une histoire, tenez-vous bien, enfin, vous connaissez certainement l'histoire maintenant aussi bien que moi, de détournement d'électricité. Il détourne avec en bricolant de l'électricité pour pas que ce soit à son compteur. C'est, en même temps, ça montre que c'est un voleur, mais en même temps, ça montre qu'il est un peu fou, parce que médecin très très aimé, très estimé dans son bourg, il a pas besoin de détourner de l'électricité. Était-ce un beau médecin, d'ailleurs? Oui, il est considéré comme un bon médecin, absolument, et même très à l'écoute de ses malades, très compatissant quand c'est nécessaire. On dit qu'il ne fait même pas payer les malades les plus pauvres. Tout se passe bien, sauf ces petits vols là, c'est sa kleptomanie déjà, hein, quand même. Et c'est quand il va à Paris que tout va basculer. Pourquoi ? À partir de ce moment-là, il ne détourne plus de l'électricité, il fait des ordonnances de complaisance pour toxicomanes. Là, quand même, on change un petit peu de registre. Ben oui, absolument. Et alors, c'est quoi ? Un besoin d'argent. Mais un besoin d'argent alors qu'il vit comme un petit bourgeois, il vit très simplement. Donc, pourquoi ? On ne sait pas toujours tout. Hein. Bien sûr. Bien, on va en savoir quand même davantage avec vous, Claude Quettel. Dans 3 minutes, nous reprendrons notre conversation autour de cet effrayant, comme le dit votre livre, Docteur Petiot. I walk in a line. I see where I'm going. I turn inside out. The days that I've known. I face them myself. Give up the ghost. Cocktail, on se retrouve autour du cas Petiot, le docteur Petiot. Combien de victimes? Parce que lui, on parle, la justice en a reconnu 27, lui en revendique près de 63. Alors, de la mégalomanie encore? Bah non, mais pas les mêmes. Non, mais ça fait 80 donc en tout. Pardon, ça fait 80. Non, parce que c'est un scénario ou l'autre, ou un troisième qu'on ignore. Mmh. Ça fait partie des mystères, Petiot. Donc la justice, lui, bon, l'accuse de 27 victimes dûment identifiées, avec l'affaire des valises qu'on a retrouvées. La justice marche sur une accusation solide. Lui part dans, c'est la thèse, moi pour moi toujours, de la folie de Petiot dans une affaire de fantasmagorique de résistance. Il a tué des boches ou des collabos. Et faux, c'est faux. Certainement faux. Je dis certainement faux. Je dis pas absolument faux. Non, oui, certainement faux à 99,9. Mais le 0,1 est embêtant pour un historien. Donc, ce sont pas les mêmes morts. Mais faisons comme si, sinon, parce que sinon on va pas en sortir, on va mettre des points d'interrogation à chaque mot. Donc on va faire comme s'il était coupable, et donc il est accusé de, effectivement, 27 meurtres. L'enquête a démontré que la majorité des victimes étaient des juifs voulant fuir l'occupation et les nazis. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans, ou simplement parce que c'était des gens qui étaient plus vulnérables que les autres, et donc c'était plus facile pour lui? Non, oui, je ne crois pas à la thèse de l'antisémitisme de Petiot. Mmh. Son registre est celui de la cupidité. D'ailleurs, il tue tout autant des petits truands et leurs prostituées. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dans leurs valises. Ouais, c'est clair. Donc, pas d'antisémitisme, selon moi. Alors, on va terminer par le volet policier et judiciaire. L'affaire piétine, quand même, elle est responsable de l'enquête change. On a l'impression d'une enquête à la dérive. Quand même, il y a quand même des corps, des victimes, des meurtres horribles. Comment s'est passé le travail des policiers? Il faut imaginer l'époque. Ça n'est même plus le fait qu'on est en temps de guerre, en temps d'occupation, avec des disparitions qui deviennent, pas banales, mais en tous les cas, fréquentes. Là, on est dans la libération de Paris, les barricades, les FFI, la résistance. Donc, l'affaire Petiot, dans tout cela, elle devient un petit peu à la marge. Sauf quand c'est même pas un journaliste, c'est un résistant, ça c'est sûr. Un écrivain intellectuel qui s'appelle Jacques Yonnet lance le 19 septembre 1944 dans le journal Résistance un article qui s'appelle « Petiot, soldat du Reich ». Et qu'est-ce qu'il a dit dans cet article? Alors bon, il accuse Petiot, mais on a souvent dit que c'était une provocation. Non, ça n'est pas une provocation. Qu'est-ce qu'il espère en écrivant cela? Il n'espère quand même pas que Petiot va lui répondre, parce que Petiot visiblement se cache. Oui. Alors il n'espère tout de même pas qu'on va lui répondre. Eh bien si, que contre toute attente, Petiot qui s'est dissimulé, qui se fait passer pour un résistant, qui, alors tenez-vous bien, qui interroge des suspects, alors avec beaucoup de talent, parce que alors à lui attention, hein, faut pas commencer à lui mentir hein, avec des fausses identités, parce que lui c'est le roi de la fausse identité. Un expert. Ouais. Un expert, donc il est très apprécié, sous le nom de Valéry, il était lieutenant, maintenant il est capitaine FFI. D'autres de petits truands qui se sont glissés dans les rangs des FFI, il y en a eu, hein. Mais là Petiot c'est quand même une majuscule, et donc ce type qui selon moi de nouveau prouve un peu la thèse de la folie. Écoutez, vous cher monsieur, ou moi, nous sommes deux criminels non fous. Oui. Est-ce qu'on répond à un article comme celui-là en disant j'exige mon droit de réponse, le droit de réponse? À moins que nous soyons fous tous les deux. À moins d'être fous. Okay. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui moi, selon moi, prouve tout de même sa folie. Il répond une longue lettre totalement délirante d'ailleurs, et qui exige le droit de réponse. Grand étonnement. L'étonnement dans le journal, le petit journal Résistance, est tellement grand qu'on croit d'abord à un canular. Et puis on fait expertiser la lettre, on s'aperçoit que c'est bel et bien l'écriture du docteur Petiot. Et alors, ce qui est d'ailleurs formidable, ce qui va, la police judiciaire se réveille enfin, et l'intérêt de la chose, c'est que le journal Résistance, sa diffusion n'est qu'à Paris. Oui. Donc l'enquête va pouvoir se concentrer sur Paris et les FFI, visiblement. Bon, Claude Cretel, pardon, je suis... l'anecdote est passionnante, mais je suis obligé d'arriver à notre dernière question arrimée à cette phrase dans votre livre. Au fil d'une enquête passionnante, on découvre que la question de la folie ne cesse d'émailler sa vie, la vie de Petiot, depuis son enfance, alors même qu'elle est écartée d'office lors de son procès. C'est la valeur ajoutée de votre livre, parce qu'il y a eu des livres déjà sur Petiot, c'est la dimension de la folie, hein, j'ai bien compris. Oui. Pourquoi on prend pas ça en compte au tribunal? C'est parce que la justice ne fonctionne pas comme ça à cette époque? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que Floriot, maître Floriot, déjà très connu à l'époque... Ah oui, un ténor du barreau, c'est clair. Grand ténor du barreau, n'enfourche pas la défense du fameux article 64 du Code pénal. Sur le thème de l'irresponsabilité. Voilà, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action. Et le mot démence restant d'ailleurs à expliquer, mais bon... Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Eh bien, je me pose encore la question. Il va ergoter, il va dire oui, mais dans les fameuses valises là, que Petiot, décidément pas malin en tant que criminel, a conservé de ses victimes, telle chemise, c'était pas la bonne initiale qui était brodée. Enfin, il épouse la thèse de Petiot, grand résistant, ayant tué des gestapistes et des collabos. En fait, maître Floriot envoie directement Petiot à la guillotine. Mais oui. Directement. Mais bon, moi, je vais me transformer en inspecteur Colombo, c'est celui qui fait les fausses sorties, qui part, il dit « Ah, j'ai oublié. » Dernière chose, a-t-il agi seul? Grande question, selon moi, oui. Encore que. Il est criminel à mi-temps, il est père de famille, bon père de famille, il exerce son métier de médecin, rue Comartin, et dans son autre mi-temps, il tue des gens, il les dépèce, on sait pas trop comment d'ailleurs, hein. Il les dépèce, il les brûle, il les fait disparaître, il cache leurs valises. Ça tout seul, on se dit quand même, quel exploit, quelle performance. Ouais. Alors, des complices, son frère peut-être, parce que quand on apporte quand même rue 20, au 21 de la rue Le Sueur, 100 kilos de chaux vives, sous prétexte pour détruire des rats, les rats devaient être très gros, hein. Son frère ne se pose pas beaucoup de questions. On n'a pas pu établir de complicité, et j'aurais tendance à dire que non. Bon, ben c'est le deuxième mystère. En tout cas, merci Claude Cretel. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Petiot, le docteur maléfique. Une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Michel Sidorov. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Nioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Antoine Teboul et Julien Chabassu.